Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin fera la livraison à domicile de son éditorial dans le bulletin Gartin et on paiera l'extra pour le shipping accéléré de nos gadgets inutiles dans Ça existe mais ça ne devrait pas là. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki ce mercredi 18 novembre 2015, 160 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et on a un gars bizarre sur le toit de l'Université du Pavillon en ce moment. Ouais, ils sont deux. Là, c'est-tu comme le moment qu'on peut parler des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, mettons? Ouais, parle pas de terrorisme, par contre. Non, mais je voudrais parler des, parce que j'imagine qu'il y en avait pas juste un, des crapets. Oh, les crapets, soleil! Qui, hier soir, ont décidé de prendre le paquet de journal Zone Campus à l'entrée du pavillon, c'est-à-dire à peu près, quoi, une centaine, maintenant? Une centaine, oui. Et de les éparpiller dans le stationnement du pavillon. C'est nous qui avons l'air d'une gang de malpropres, mais c'est pas nous autres qui avons fait ça. Et là, il en reste plus dans le présentoir, mais il est éparpillé à la grandeur du stationnement P1, ça vaut vraiment P5. La peine, ça. Pour s'essuyer les pieds, hein, Zone Campus, c'est parfait. Le niveau d'absorption. Un idiot. Voilà. Un idiot de première classe. J'étais pas trop contente, mettons, quand c'est arrivé ça. Et que je me suis parquée sur trois zones campus. À la place de changer vos pneus pour l'hiver. Ouais, c'est ça. Utilisez les zones campus. C'est bon si vous perdez de l'huile, là, mais. C'est ça. Bref. C'était pas ta meilleure, mon champion. Pas la meilleure idée. Et vous, ce matin, peut-être que vous vous dites, mais Colin, Trois-Rivières a l'air d'un mini-wheat. D'un côté, le soleil qui pétille de tout bord, tout côté. Et de l'autre côté, un petit peu de givre sur le gazon. Un petit peu. Ça a pas d'allure. Bon, on les voit redescendre. Ah, ben oui, Du pavillon. C'est le fun de voir ça en direct pour vous. Ben oui, hein. On couvre ça sur le réseau de l'information non pertinente. S'il y en a un qui tombe de l'échelle, on vous avertit. Ce serait pas pire, le réseau de l'information impertinente. Ben oui. Ouais. J'avoue que ça serait bien. Mais ça revient un peu au dîner de con. Oh boy! Ah, tu dis ça? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, mais... C'est de l'actualité. Le dîner de con sur l'heure du midi... Divers. C'est ça, c'est des faits divers. Exactement. C'est ça, c'est comme ça. On aime ça. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, on va avoir un seul invité, un seul chroniqueur, c'est Sébastien F. Gartin qui va être là à 8h pour son bulletin Gartin. Il présente toujours un sujet d'actualité. J'imagine que ça va avoir rapport avec l'actualité très, très récente. J'imagine. C'est toujours sur l'actualité là, internationale, les événements importants. Et je pense qu'il y en a eu un récemment, j'ai entendu dire. J'ai entendu dire. Ensuite, on va faire ta chronique à toi. Tania is gonna entertain you. Qu'est-ce qui s'en vient? On parle de musique. Oh! Ouais. Cool! Cette semaine, j'avais pas encore fait mes découvertes Spotify et Tracks YouTube. Alors... c'est ce matin que ça se passe. On fait l'émission vers les 9h. Oui, exactement. Génial. On va faire aussi notre classique du mercredi, qui ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, des gadgets utiles à trouver sur Internet. Et on débute l'émission en musique avec Elvi. Oui, ça arrive avec Apple Pie. Ça s'écrit E-L-V-Y. On se demandait si c'était Elvi ou Elvi. C'est Elvi. Oui, Elvi. La pièce s'appelle... Return to the Moon. À Assemblage Reiki. Au 89.fm. A ticket with a leg of a cricket, and I got triple Jesus. Cashed it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Return to the moon. Please. switch, 'cause she said she loved it. I couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you freeze. Return to the moon. Turn to the moon, assemblage requis. Ah, écoutez, aller sur la Lune, ça coûte cher, ça. Ben oui, c'est sûr. Sais-tu qu'est-ce qui coûte pas cher? Magazine en ligne? Oui, des cossins qui servent absolument à rien, finalement. Mais des fois, ça coûte cher, hein? Ouais, c'est vrai. des fois, ça peut s'avérer très cher. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets achetés sur Internet. C'est simple, quand même, comme règle. Et on commence avec un dragon sur votre épaule. Mm-hmm. Pour imiter un peu... chose là. Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Oui. J'ai pas encore regardé, fait que je suis pas sûr de comment prononcer son nom. La fameuse fille au dragon. Voilà, la fille au dragon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter Game of Thrones. Mais comment ça, à cause des dragons ou parce que tu es jalouse de la fille? Non, ça m'intéresse pas tant, moi, les dragons. Mais il n'y a pas juste ça là-dedans? Non, mais j'ai suivi super gros jusqu'à temps que les dragons se mettent à éclore. Là. Ah, OK. Là, je suis désolée, mais... Tu fais des cauchemars depuis où? Non, ils m'ont perdu. Ah, bon. Donc, un dragon sur votre épaule, l'ultime accessoire pour peut-être un super vilain. Hein? Donc, c'est le Feline Dragon par un vendeur sur Etsy qui s'appelle Onacat. Le Feline Dragon ou Felis Luricatus est décrit comme étant possessif, défenseur, très intelligent et qui aime causer des mésaventures, des petits problèmes. Donc c'est simple, hein, c'est un dragon. Ça a l'air lourd, hein? Ça a l'air lourd, mais ça l'est sûrement pas, c'est de toffe plastique. Là. Je sais pas si c'est imprimé en 3D, ça le dit pas, mais ça a l'air quand même assez réaliste, entre guillemets. Est-ce que t'as vu combien ça se détaille canadien, mettons? 310$. 425$. Ah, ça, c'est américain. Ouais, t'as raison. Mais il s'entoure autour de ton cou, entre autres. Oui. Ben oui, hey, écoute. À ce prix-là, j'espère. On va aller travailler avec une statuette sur l'épaule. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Chialeuse. Non, ensuite... réaliste. Si t'es moins dragon et que t'es plus chat, je sais que c'est pas ton cas non plus. Non plus. Mais tu pourrais t'acheter, t'aurais pu en fait acheter une magnifique peinture du 19e siècle avec 42 chats qui s'est vendue aux enchères pour 826 000 $. Quoi? C'est My Wife's Lovers, une peinture par l'artiste autrichien Karl Kahler, qui a été demandée par la Cat Lady millionnaire Kate Johnson de San Francisco au début des années 1890. Madame Johnson avait plus de 350 chats dans son manoir et un groupe de serviteurs dont la seule responsabilité était de s'occuper des chats. Wow. Et Kayler a passé 3 ans à dessiner ces chats-là avant de tout rassembler pour faire une grosse peinture de 6 pieds par 1,5 pieds. Sotheby's vient de lancer, de vendre cette peinture de 42 chats aux enchères pour 826 000 $. Donc, chaque chat vaut environ 19 700 $. Hey, c'est énorme! Kate Johnson dit que chacun de ses 350 chats avait son propre nom, venait lorsqu'il était appelé. Et elle a trouvé 350 noms de chats. Wow. Une fois que t'as fait poilu, minet, t-shirt, puis mitaine, hein? C'est assez difficile de... T'en trouver d'autres. C'est ça. Mm-hmm. Ensuite, on reste dans ce qui est poilu avec un couvre-canette de liqueur ou de bière en Chewbacca. OK. Clairement, donc c'est 11 $ que ça coûte. Le Star Wars Chewbacca Can Cooler, disponible chez ThinGeek. Il y en avait une autre version de Entertainment Earth qui était un petit peu moins poilu. Donc, ça donne à son utilisateur l'expérience de boire directement à même la main de Chewbacca. De Chewie. T'as des poils dans la bouche. Très drôle. Très cute. Et ça garde au chaud ou au froid parce qu'il y a de la fourrure. Hein? Ah, ça, c'est sûr. Pense pas que ce soit de la vraie fourrure, le Wiki, malheureusement. Si t'es sur le bord d'un petit feu, là, ça doit être bien plaisant, mais tu sais. Il y a la petite ceinture. C'est ça que j'allais dire. Il y a même la ceinture de Chewbacca. C'est cute à mort. Ensuite. On a parlé d'un calendrier de l'Avent avec des... je me rappelle pas c'était quoi l'autre fois. C'était-tu de, il me semble que c'était de l'alcool. Il me semble que oui, c'était pas des bouteilles de vin. Peut-être des petites bouteilles de vin. Ouais. Exactement. Tellement petites, c'était en centilitres tellement qu'il n'y en avait pas. Shooters. C'est pas des shooters. Un shooter par jour. Exact. Donc, c'est un calendrier de l'Avent cette fois-ci avec du whisky. Oh. On remplace donc le chocolat et l'alcool par le whisky. Le Whisky Advent Calendar vendu par Masters of Malt. Quand même un nom assez cute. Masters of Malt, les maîtres du malt. Donc, à la place d'avoir un bonbon derrière chacune des 24 portes, on a 1 once de whisky. C'est pas beaucoup. Un autre petit shooter, si on veut. Mais quand même, ça coûte 190 $ pour avoir 24 fois 1 once de shooter de whisky. Quand même. J'approuve. C'est cher. C'est cher, mais ça donne un petit peu de feu dans le fuego. C'est sûr que ça donne du feu, là. In the gorge, voilà. Hey, ça, là. Ça, là. C'est ça... non. Je l'ai choisi pour toi, Tania. Non. Peut-être avez-vous vu passer ce man bun en clip. Pas un clip vidéo, non, un clip pour l'attacher sur votre tête comme si c'était une petite fleur ou... Ou une couette, quelque chose comme les ça. Les filles, là, on a eu ça pendant longtemps, là, des rallonges de cheveux à clip. C'est facile à s'organiser le matin, t'as juste à rajouter ça, puis t'as pas besoin de te faire ton propre bun, ta propre brioche. Là. Les gars peuvent faire la même chose avec le clip and man bun. Oui, c'est non. C'est un gros non. 10 $ sur Groupon. Pour avoir l'air du plus douchebag des douchebags de raser ses côtés avec une barbe et des cheveux en man bun. Mais c'est parce qu'en plus, ça n'a même pas l'air d'un vrai man bun. Ça c'est a l'air gros, hein? Ben, ça a l'air des buns que les filles faisaient il y a quelques années, là. Ouais. C'est même pas un man bun. C'est trop gros. Un man bun, c'est plus petit que ça. Parce exactement. Que les gars n'ont pas les cheveux assez longs pour faire un énorme man bun. Voilà. Habituellement. Il y en a des gars qui ont les gros man buns. Là, on dirait vraiment que les gars ont twisté leurs cheveux autour du fameux beignet comme les filles. C'est ça. Ben, on dirait, moi, je trouve que le gars blond, sur la photo, vous irez voir sur l'assemblagerequis.com, vous me direz si j'ai raison, on dirait qu'il a pris les cheveux de Donald Trump, les a rapetissés, il les a mis sur sa tête. C'est vrai. En petit man bun. Mais t'as-tu vu, le gars en blond, c'est le même gars en noir en dessous. Arrête donc. Es-tu sûr que c'est pas des frères jumeaux identiques? Non, ils ont juste changé la couleur de... comme. Mais comment? Il y a le même gilet. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. L'épaisseur des cheveux de ses favoris est la même, en plus. Fait que oui, c'est vraiment un job de Photoshop. Ouais. Ben, félicitations à celui qui a réussi ça, ou celle, parce que c'est vraiment très, très réussi. Oui, quand même. S'ils n'avaient pas mis côte à côte, on l'aurait jamais su. Ça c'est vrai. Mais ouais. Non, ça, c'est un non. C'est là. Non, définitif, catégorique. Catégorique, là, au pire, fais-les pousser. Fais-les... Ben, bâtard, hein, tu sais. Par contre, celui-là pourrait t'intéresser un petit peu plus. On a déjà parlé dans cette chronique-ci, à un moment donné, de coloriage pour adultes. Oui, hey, ça redevient de plus en plus à mode et sérieusement, ça commence à m'attirer. Oui, ben peut-être que cette compagnie-là, Crayola, tu connais peut-être? Ben oui, certainement. Ils vont pouvoir te convaincre, en fait, parce que c'est un livre de coloriage pour adultes créé par Crayola qui va avec des crayons Crayola. Mais non! C'est pas la première compagnie, évidemment, à offrir des livres à colorier pour adultes, mais eux, ils ont de l'expérience et ils savent comment faire quelque chose qui a de l'allure. Color Escapes, c'est la ligne. Ça coûte cher? Top, un détail à la fois. Donc, ah non, arrête, c'est parce que je veux le mettre sur ma liste de cadeaux de Noël. Là. Vite. Bon, 25$. Hey, c'est pas si pire. Tu vends les punchs avant même que j'ai donné les détails. Ah, je suis désolée. Non, mais vous devriez voir ça, là. C'est vraiment beau comme dessin, en plus. C'est très beau. Donc, Crayola Color Escapes, c'est des pages à colorier premium faites particulièrement pour les adultes qui souhaitent revivre leur enfance ou encore juste devenir plus zen. Ça offre une expérience créative, relaxante, facile à faire et t'as pas à penser à rien. Donc, leur nouveau Color Escapes Premium Adult Coloring Kit inclut 12 grosses pages à colorier, un emballage de 50 crayons couleur Count Crayola hein, et 12 crayons à l'eau, des crayons à couleur pastel. Feutre, ouais. Feutre. Et leur marqueur ligne fine, Fine Line Markers. 4 versions sont disponibles. T'as des formes géométriques, jardinage, kaléidoscope et nature. On peut acheter les livres séparément, sinon ensemble. Donc, fais voir les photos sur assemblagerequis.com. La page du produit, est-ce que c'est la page avec les quatre sortes? Je sais pas, hein? Mais tu le disais, on en parlait avant, puis ça remplace un peu la méditation pour les gens qui sont super stressés. Ouais. Puis il y a comme des études qui sont en train de sortir sur le fait que c'est vraiment bénéfique parce que ça te fait vraiment relaxer sans vraiment trop penser à ce à quoi tu veux oublier, en fait. Ouais. C'est vraiment bien. Ah, je suis partante, je le veux pour Noël. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je préfère le géométrique. Oui, moi aussi. Et c'est 25$ par emballage avec tous les crayons et les feuilles. Donc, si vous voulez les quatre, j'imagine que vous allez devoir payer 100$ parce que je vois pas d'emballage avec tous les kits dedans. Et chacun des kits vient avec ses crayons. Donc là, tu vas te ramasser avec comme beaucoup trop de crayons. Là. J'aime bien celui qui est kaléidoscope. Ça me fait penser un peu au primaire, les professeurs ils nous faisaient dessiner dans des mandalas. C'est comme ça qu'on appelait ça? Des mangas? Non, mandala. Je sais pas ce que c'est. C'était un peu la même chose, en fait. Ah oui? Tu sais, chaque couleur ne devait pas toucher à la même couleur. Puis c'était des formes géométriques un peu comme ça. Mm. En tout cas, c'était... Kaléidoscope, c'est un peu le même style. Cool. J'aime beaucoup. C'est très beau. Ouais. J'ai confirmé que les kits, c'est les crayons et le cahier. Si vous voulez les cahiers séparément, pour l'instant, ils ne sont pas vendus à part. C'est même écrit en gras « Coloring pages not sold separately ». Et c'est marqué que ce ne sera pas disponible en magasin, donc il faut aller absolument sur le site de Crayola et le lien est sur assemblagerequis.com. Ils livrent au Canada, je crois. J'ai vu le lien vers le Canada, je n'ai pas regardé si c'est dans la boutique. Ensuite, des masques de ski. Ouais. Tellement réalistes, mais qui vont vous faire avoir l'air d'un animal réaliste. OK. C'est des balaclava. Donc, ça, c'est le truc pour faire du ski, là, les cagoules qu'on voit juste les yeux. C'est le niqab du ski, si on veut. Mm-hmm. Donc, ça vient de Théa Salat dans une variété d'animaux différents. Lion, lynx, renard, loup, léopard, tigre, tigre des neiges, chat, chien, panda. Panda rouge, là, le logo de Firefox. T'as-tu vu? Il y a comme même Grumpy Cat. Il y a Grumpy Cat. Pour 34$ chacun. Chacun aussi a des oreilles spécifiques en 3D pour chacun de vos animaux que vous achetez pour faire du ski. Si je faisais du ski ou du snow, c'est quelque chose que je ferais peut-être. Je m'en achèterais peut-être un. Ça surprend un peu, là, tu vois, un ours brun en train de faire du ski. À vous, ça doit être très drôle. C'est très cute, en tout cas. C'est dépendant, le lapin, c'est beau. Hein. Ça doit garder au chaud de façon assez incroyable, en ouais, plus. En plus. T'as même le front couvert. Là. C'est magnifique. C'est bien, j'aime ça. Oui. Il n'y a pas le prix, par contre, sur l'article. Hein? Non. 34$. Voilà. Ensuite, ça, c'est une alarme. Un réveil matin qui vous réveille en vous giflant. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, malheureusement. Donc, c'est Simone Geertz qui décide que la façon la plus efficace de se réveiller le matin était d'avoir une alarme qui allait lui gifler le visage avec un bras en caoutchouc. Donc, pour faire ça, elle a pris un cadran, elle a défait en morceaux, elle a mis un ordinateur Arduino Uno et contrôlé par un moteur 165 RPM. Donc, c'est la Wake Up Machine qui fonctionne peut-être trop bien que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pour voir comment vous manigancez ça vous-même. Ben là! Tiens! Tu te réveilles pis t'as un bleu dans le front. Ben oui! Mettez debout! Une chose à la fois. Hein. Je suis pas certaine que je l'essaierai, moi. Maintenant, le contraire exact, c'est d'essayer de s'endormir en lisant. Mais ça te tente pas parce que c'est trop paresseuse pour lire. À la place, tu devrais t'acheter un oreiller qui ressemble à un livre, hein? Bien, c'est sûr. Old Book Pillow Classic de ThinGeek. C'est trois oreillers qui ressemblent à des romans classiques. Treasure Island et The Adventures of Sherlock Holmes pour 18$ chaque. Alice's Adventures in Wonderland, 25$, qui est en permanence ouvert. Donc, les livres fermés, évidemment, vous ne pouvez pas avoir l'air de lire, là. Alors que celui ouvert, il y a au moins du texte dedans. Au moins. Mais bon. Mais tu lis tout le temps la même page. Ben, c'est ça. C'est plus cher. Voilà. Bref, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Mais le gars a l'air bien content de lire son Sherlock Holmes fermé. Ah, tu peux t'endormir sur ton bureau, tu sais. Ça paraît moins. Oui. T'as juste l'air d'avoir travaillé bien, bien fort. C'est ça. Tu t'en rends dans ton livre. Ensuite, on change complètement de domaine. C'est un jouet sexuel qui est aussi un étui à téléphone cellulaire. Tu me diras, mais Colin, Mathieu, ça ressemble à la brosse que j'utilise pour brosser le divan quand mon chien met des poils partout. OK, attends, je vais aller voir ça. Ça ressemble à une brosse à poils, mais bon, peu importe. C'est pas ce que c'est supposé faire, non? Ça ressemble à une brosse à poils. C'est le Easy Vibe, E-Z-I Vibe. C'est le premier étui de téléphone qui est aussi un objet sexuel. On utilise le Easy Vibe ou Easy Vibe pour se connecter à l'application via... En fait, il y a 7 modes de vibration. Et mis à partir de votre téléphone cellulaire, on peut personnaliser ça et partager ses modes préférés. Ou encore, on peut contrôler ça à longue distance pour que votre copain-copine s'insère son étui dans son... OK, mais là... Question? C'est étrange. C'est pas une question. Ouais, non, on dirait que je suis juste comme un peu traumatisée, là. Puis après ça, pour le laver, faut que tu l'enlèves ton étui, faut que t'enlèves ton cellulaire, sinon tu vas le mouiller. Puis... Non, mais c'est... Ou si tu vas trop loin, tu vas aussi le mouiller, mais d'une autre façon. Puis... C'est dégueulasse un peu. C'est trop... Tu mélanges pas ton téléphone avec tes jouets sexuels. Ah, il y avait de la demande, sinon on l'aurait pas fabriqué. Mais c'est sûr. Surtout si t'as 7 modes de vibration, j'imagine qu'il y a du monde qui sont bien d'accord avec ça. Puis la vibration du téléphone, du iPhone précisément, n'est pas si vibrationnée que ça, je trouve. Ouais. C'est pas assez fort pour moi. Pas que je m'en servirais comme ça. c'est pas présentement disponible, mais on dit que le produit va être lancé bientôt, peut-être avant les fêtes, hein? Peut-être. Hein? Le Easy Vibe. Ensuite, vous trouvez que votre barista, votre café étudiant, elle n'est pas assez fancy dans ses petits dessins. Ça se peut, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, en tout cas, j'ai pas encore vu de design cute sur ma tasse. J'attends ça pour tomber en amour. Ouais, mais on prend pas vraiment souvent de latte ou quelque chose comme ça. C'est vrai, un mochaccino. C'est ça. Tantôt, on demande un mochaccino. C'est bon, puis on voit s'ils font un petit dessin. C'est ça, on va être capable de spotter lesquels qui ont du talent là-dedans. Excellent. Bref, si vous êtes jalouse de votre barista... local, vous pouvez créer vous-même vos propres designs, vos propres chefs-d'œuvre en utilisant des stencils à café. On n'a qu'à placer le moule en acrylique sur son breuvage préféré et commencer à envoyer la garniture de votre choix comme du cacao, de la cannelle et par exemple faire le signe, le logo de Batman. Mettons, tout ça pour 9,50$ pour l'emballage. Évidemment, l'article dit jamais combien en a, on va aller voir par nous-mêmes, hein? On est capable. Tiens, un papillon pour 13$ canadiens. Un bonhomme sourire pour 24$. Le prénom est Lucas pour 16$. Ouais, ben là, voyons. Je sais bien. On se calme le papillon, là. C'est sur Etsy. Par le nom utilisateur Sunflower for Home. Le lien sur assemblagerequis.com. Il y a tout. Il y a des chats, des cœurs, des Mickey Mouse, des tours Eiffel pour ce qui vient de se passer. Bref, c'est cute. Et là là. Apprenez donc à le faire vous-même. Ouais, c'est ça. Il y a des vidéos YouTube qui se forcent, là, pour... C'est bien moins compliqué dans ce temps-là. Ensuite, ton appartement, on le dit des fois, est peut-être un petit peu petit. T'sais, oui. Tu veux te rajouter un deuxième étage, mais l'autre fois, on avait rajouté un deuxième étage avec une structure super lourde et ça coûtait des milliers de dollars. Là, ça va continuer de coûter des milliers de dollars, mais c'est pour un lit à deux étages. OK. Pour 2350$, c'est un lit à deux étages qui vient... En fait, il n'y a pas de premier étage. Le premier étage, c'est ton salon. OK. Ça te rajoute un deuxième étage comme un lit en bois, OK? Comme sur une petite mezzanine. Comme sur une mini mezzanine avec, tu rajoutes ton matelas et il y a une petite échelle pour monter là-dessus. Comme donc, si t'avais un loft, en fait. C'est vraiment préférable pour un loft. C'est comme un loft, mais pas comme l'autre fois où le loft, ça prenait la grandeur d'une pièce. Là, ça prend pas mal la grandeur d'un lit. Mm-hmm. Et ton cinéma maison en dessous va vraiment être compact. OK, ouais hein? Donc, 2350$, tu peux évidemment ajouter, tu peux faire ta petite bibliothèque en dessous, ton meuble, ton divan, minuscule divan. On dirait qu'il est fait en carton tellement il est petit. C'est vrai, hein? On dirait qu'il est comme en plastique. Ça a vraiment pas l'air confortable en passant. Et le deuxième étage, c'est à peine le matelas, une petite commode et un petit bureau. C'est avec une lampe, c'est tout. Ouais. C'est minuscule. 2350$. Oh boy! En bois. Yeah! Ouais. Pas sûr. On parle souvent de vélo et de façon de contrôler son... Ben, pas de contrôler son vélo, mais des GPS, par exemple. On a parlé la semaine passée, je crois, c'était d'un petit... sur ton guidon, tu avais le symbole d'une flèche vers où te diriger. Et quand tu demandais à ton GPS où aller, tu avais juste à suivre la flèche. Mm-hmm. C'était vraiment cool. On a parlé aussi de trucs pour t'empêcher de te faire frapper par ton par un char. Oui. Ben ici, c'est un vélo qui brille dans le noir. Ah, donc, c'est bien ça. Il vous dira pas où aller, mais vous allez pouvoir aller n'importe où parce que jamais vous allez vous faire frapper avec un vélo qui roule et qui est éclairé vert fluo. Ça, c'est sûr. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vous frappe, il est daltonien, là. Oui, il est daltonien sous. Et? Le combo, là. T'imagines ça? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est impossible. Il y en a pas un. Appelez-nous si vous êtes, si c'est vous. Tu sais, si jamais vous avez conduit en état d'ébriété et vous êtes daltonien... En état de daltonisme. S'il vous plaît, appelez-nous. Donc, bref, les enfants qui brillent dans le noir, c'est bien le fun quand on était jeune. Mais maintenant qu'on est rendu plus vieux, on peut continuer quand même à rester jeune de cœur. Oui. C'est le vélo Zulu de Purefix Cycles qui brille dans le noir, bien sûr. La peinture est activée par le soleil en seulement une heure. Au soleil, ça va vous donner assez pour environ une heure de pédalage. C'est un vélo à une seule vitesse qui permet la flexibilité de se promener en fixed gear ou en freewheel. Tu sais, les hipsters sont bien dans la mode du fixed gear. Mm-hmm. Où si tu pédales, ça avance et si tu arrêtes de pédaler, ça arrête. Y a pas de, tu peux pas laisser aller les pédales. Oui. C'est quand même assez complexe. Ça a l'air facile du même, mais c'est bien, bien difficile. Donc, un fixed gear ou freewheel qui est comme un vélo qu'on a appris à faire quand on était jeune. Qui peut pas, où tu peux pas freiner en pédalant par en arrière, bref. On se comprend là-dessus? On se comprend. Ouais, le Zulu se vend pour 400$ chez Purefix Cycles. Plus d'informations sur leur site web qui est purefixcycles.com. Hmm. C'est un vert que j'aime pas pantoute, ce vert. Non, moi non plus. Si il avait été jaune, j'aurais peut-être considéré la chose, mais là, vert comme ça... Je sais pas vert à la base, du vert fluo, c'est encore plus laid. Ensuite, ça c'est bizarre, c'est pour les enfants et les mères, les pères, les parents, comme on appelle des fois. C'est Starling qui s'arrange pour que votre enfant entende le plus de mots possible pour son développement intellectuel. Sais-tu, Talia, qu'il y a des études qui nous apprennent que plus l'enfant entend de mots, plus il est exposé à des mots, plus il va avoir des habiletés intellectuelles, émotionnelles et sociales développées. Mm-hmm. Selon des études. Donc, plus il entend de mots, il ou elle entend, plus il ou elle va être intelligent ou intelligente, hein? Tout le monde parle à son enfant un peu. On parle à notre enfant comme on parle à une plante ou à un animal de compagnie. C'est comme ça qu'on parle à des enfants. C'est à peu près comme ça et ça va pas développer son cerveau ben. Hein? Donc Starling arrive avec son appareil qui s'attache aux vêtements de votre bébé et qui va compter le nombre de mots parlés devant l'enfant. OK. Comme ça, on peut s'installer un but réaliste et voir si on est sur la bonne piste. Pour avoir assez de conversation avec votre enfant. Si t'es pas inspiré, l'application peut te suggérer des activités lexiques appropriées à son âge. On peut vérifier le progrès à n'importe quel moment en appuyant sur un bouton sur l'appareil. Et il n'y a pas de peur par rapport à l'invasion de la vie privée parce que l'unité ne fait que compter les mots. Il n'y a pas d'enregistrement. Ah, c'est bien. Ouais, ça va rester allumé jusqu'à 5 jours à la fois. C'est à l'épreuve de l'eau. Ça a même une lumière LED pour indiquer que vous êtes rendu à votre cible pour la journée. On demande 129$ sur Indiegogo et ça va être envoyé en avril 2016. C'est donc le Starling. Intriguant comme idée. Intriguant, oui. Je suis d'accord. Ça a l'air vrai, tu sais, les études le prouvent. C'est vrai, ça. Ensuite, là, il n'y aura pas d'invasion de vie privée non plus. En tout cas, ça devrait pas. C'est lorsque vous chattez en vidéo, c'est super romantique, là, chatter par Skype. Mais en réalité, la personne de l'autre côté, des fois, ne pourra pas vous voir parce qu'il fait trop noir. OK. Ça arrive. Donc, Chat Light a été créé pour justement cette raison. C'est pour les conversations vidéo en mauvaise luminosité. Ça a été créé par un studio de design professionnel et Chatlight, donc a une lumière LED qui dure très longtemps, un diffuseur pour rendre la lumière un petit peu plus douce, moins agressante, et une barre de lumière rotative pour trouver l'angle parfait. Il y a aussi un petit bras d'expansion pour aller sur vos téléphones cellulaires et tablettes. Pas de fil, pas de batterie nécessaire. Chatlight a une batterie rechargeable à l'intérieur qui va durer 90 minutes pour l'éclairage et ça se recharge en prise micro-USB. Ah, c'est intelligent. Pas pire. Puis c'est pas si dispendieux. Combien? 30$. Arrête! Mais je sais pas si c'est américain. Oui, c'est américain. Ça doit. C'est pas mal toujours. Mais l'idée est bonne. Oui. L'idée est très bonne. Il y a pas de blog canadien de gadgets très intéressant. Non, c'est ça tout doit le temps pas. Des pâles copies des Américains. Et tant qu'à faire, m'en aller directement à la source. Ouais. C'est comme une nouvelle française. Ça sort 5-6 jours en retard. J'ai vu la nouvelle une semaine et demie, genre, deux jours ouvrables. T'sais. Je trouve ça plate. Les sites en français ne sont pas capables de s'adapter. Tu sais, la nouvelle sort, clac, clac, clac, clac, clac, tape ça. Je devais m'en partir un blog, moi, traduire vas-y. Ça. Go. Pas le temps. Ensuite. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les Américains ont tout le temps le temps, mais c'est parce qu'ils ont tellement de public qu'ils peuvent se faire full cash. Ben, c'est ça. D'autres au Québec, avec le nombre de gens qu'il y a, ça va faire moins d'argent moins vite. Fait que tu peux pas lâcher ta job pour faire le travail du blog. Fait que t'as moins de contenu, fait que t'as moins de visiteurs. Ils sont moins rares. C'est ça. Ensuite, on a tous déjà vu les gens. Moi, dans l'autobus, j'ai vu une personne âgée l'autre jour qu'elle avait pas un imperméable, elle avait une nappe de plastique. Quasiment, on dirait un sac à poubelle. Oui. Les fameux ponchos. Les ponchos de pluie. Les petits ponchos de pluie transparents. C'est ça. Là. Comme dirait Jean-Philippe Charbonneau, ancien animateur d'émission, ça se vend comme des petits ponchos. Hey. Hein? C'est. Ah, c'était drôle. Mais. On va s'abstenir de tout commentaire. Et quand il va chercher de l'eau, il dit je vais me chercher un petit pédo. C'est des CC2 gags. Oui. Salut JP, si tu nous écoutes. On t'attend dans le studio pour te défendre. Exactement. Sors-nous un autre gag. Bref, qui est jaloux de ces petits pédos et ces petits ponchos? Clairement pas moi. C'est ta sacoche, Tantan. Ah! Ta sacoche est jalouse. Mm-hmm. Assurez-vous que votre sac de designer Super Share reste en condition parfaite lors des jours de pluie en la couvrant ta sacoche de ce poncho pour sacoche. Comme dirait Jean-Philippe, c'est ça à quoi? C'est ça à coche, moi aussi. C'est ça. Lui, il l'aurait dit comme faux. T'as un feu. Son gag est prévisible, mais au moins il dit comme faux. Hein? Oui. Ben oui. C'est pas Jean-Philippe encore. J'espérais qu'il vienne se défendre. On pensait que ça allait être Jean-Philippe. Jean-Philippe. Non. Donc, c'est un poncho translucide. Non, pas translucide. Transparent. Transparent. À l'épreuve de l'eau, bien sûr. Avec une petite bordure foncée élégante. Oui. Hein? Ça ressemble vraiment au poncho pour les humains, mais pour sacocher. C'est pour ça que j'ai dit ça. 28 $. C'est horrible. Horrible. C'est horrible, mais ça doit fonctionner. Oui, et c'est que tes poignées de sacoche passent à travers le haut. Pis, mais là, si les poignées passent à travers, l'eau passe au travers du poncho aussi. Mais passe au travers du trou. Pas sûr de ça. Pas sûr. Ça doit garder l'humidité. Peut-être. Voilà, et on va en faire un dernier. C'est le Chronos qui rend votre montre stupide plus intelligente. On a tous déjà vu passer sur Internet un gadget qui rendait votre montre intelligente de façon pas mal plus fancy que ça et pas mal plus cher que ça. Il y avait des gadgets là, pour les riches. Pour ceux qui avaient une montre genre Rolex. Mm-hmm. C'était une affaire full bling-bling qui te donnait tes messages textes sur le côté là, pour ajouter à ta montre pas intelligente. Là, ça coûte seulement 99$, c'est pour le grand public, ceux qui achètent leur montre à 15$ en rabais chez peu importe votre magasin grande surface. Ça. Mm-hmm. Donc, vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent sur votre montre et vous voulez pas en dépenser plus pour avoir une montre intelligente, hein? Mais non. Donc, c'est un disque, le Chronos, qui s'attache en dessous de la plupart des montres et vous donne un petit peu de montre intelligente, les fonctionnalités qu'on a là-dessus. Hein? Donc, une application sur votre téléphone, ça compte vos pas avec le gadget, même si en tant que tel, votre téléphone le fait déjà. Ouais, parce qu'il faut se dire. C'est bien cool, une Apple Watch ou peu importe, mais les fonctionnalités qu'il y a dessus sont pas mal les fonctionnalités de ton téléphone aussi. Tout à fait. Bref. Donc, ça compte les pas. Ça surveille votre cœur, ce que votre téléphone peut pas faire quand même. Ouais, hein, OK. Bon. Comme un Fitbit peut le faire aussi, qui est à peu près le même prix en passant. Mm-hmm. Mais là, vous allez avoir deux bracelets. Ça vous permet de mettre une variété de vibrations et de combinaisons de lumière pour les alertes. OK. Encore une fois, ce que votre téléphone fait sensiblement aussi. Comme un Apple Watch, on peut prioriser certains contacts qui vont vous alerter, donc ils vous alerteront pas. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Les vibrations juste pour votre amoureux, amoureuse et les collègues de travail, on met ça dans le. Ou la main. Plus tard. Tu le mets plus tard. La main. Okay. La main. Oui. Tu sais, si t'es avec ta femme ou ton mari. Excuse-moi, je sais pas d'amant, j'ai pas pu. Je peux pas comprendre ça. Moi non plus, là. Ah, j'essaie pourtant de te faire avouer quelque chose, mais ça n'a pas marché. Mais hein? Non! Le disque aussi va taper sur la montre pour activer certaines fonctions comme sauter un appel. Attends un peu. Oui, OK. Non. Hey, le disque, attends un peu. C'est quand même intéressant. Le disque en dessous de la montre, OK, va sentir que tu tapes sur le dessus de la montre. La montre n'est pas intelligente, là. Non, mais c'est vu ça. Que ça touche ça à la montre, ça va ressentir que tu tapes sur ta montre et ça va pouvoir sauter un appel ou prendre une photo. C'est quand même le fun. Prendre une photo. Oui, quelqu'un pourrait, mettons, tu pourrais donner ton téléphone à quelqu'un d'autre, puis tu cliques sur la montre pour faire prendre une photo à ton appareil. Sauf que sur la photo, t'es là en train de cliquer. Ouais. Mais moi. Non, en effet. J'essaie de voir comment ça se passe. Il y a place à amélioration. Ouais. Donc, 33 mm de diagonale et 3 mm d'épaisseur pour le disque. Bien sûr, il manque un paquet de fonctionnalités, mais tout ça pour seulement 99$. Précommandez maintenant et vous allez l'avoir au printemps de 2016. Ah, c'est bien. Je dois avouer que je l'achèterai pas. Moi non plus, en effet. Tant qu'à acheter ça à 100$, attends quelques mois de plus puis achète-toi une vraie montre intelligente. Oui, puis je te l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas tant les montres intelligentes. Je suis très ambivalent là-dessus. Ouais, mais toi, t'aimes tout ce qui est électronique, puis... Tu sais, moi, je suis correct avec les fonctionnalités de mon téléphone. Moi aussi, par moment.

C'est comme pareil, moi c'est comme mes nazis, la voix. Tu comprends? Mais quelle! C'est une blague, c'est genre, c'est genre. Quelle comparaison, ma foi! Je t'aimerais ça, je t'aimerais ça. Wilfred Le Boutillier puis Heidegger, même combat. Même combat. Hashtag même combat. Bon, lui, c'était Star Academy, là. Ouais, mais c'est la même affaire. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Bref. On change un peu le format aussi. Là, bon, on commence pas à t'en farger des fleurs du tapis. Non, je m'en farge pas les fleurs du tapis. J'ai écouté aucun des deux. Toi, t'es défend d'abord. Non, je défends la bon, rigueur. Je vais trop loin. Hein, trop prends loin. Ton sirop. Oh, un autre jeu de moi qui c'est Siri, presque. Oh, presque. C'est presque eu. Je te trouve presque bonne. C'était pas voulu, c'est pas ça. C'est parce que Gertin, ça sonne comme la fin d'une chronique. Ouais. Ça sonne comme la fin d'une chronique, effectivement. Ouais. On te remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. On te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h. Oh que oui. Pour une autre chronique du bulletin. Bulletin Gertin, le bulletin. Le vulcain. Comme les vulcains. Ouais, c'est ça. Ou comme les Syriens, ouais. C'est les vulcains. Peace. Pareil. Ils voulaient s'intégrer. Si je te mets la main dans le cou, est-ce que tu vas t'évanouir, Mathieu? Ça dépend de la raison, en fait. Sûrement que peut-être je vais m'évanouir parce que je vais être trop dans ta caméra, parce que je pourrais amener ça pour que ça n'ait pas l'air d'un coming out. Attends. j'ai fait deux, trois coming out sans le vouloir. Dans l'instant de une heure, genre. je n'ai pas à come outer de rien. Ouais, je sais. Ouais. Mathieu avait une pebble avant. La montre intelligente. C'est ça. Qui avait un radar dessus. Le vrai coming out est fait. C'est ça. Bon. Merci. Voilà. Bref. Merci, Sébastien. Merci à vous. Je t'aime bien, mais pas dans ce sens-là. Non, mot. Voilà. Au retour de la pause, on continue avec plus d'assemblage requis. Il va nous rester ta chronique à toi, Tania. Oui. Et encore plus de gadgets à s'acheter. Oui. Au retour à assemblage requis, no homo. Vous êtes assez fait, 89.1. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 18 novembre 2015. C'est Tania Baudin. Mathieu Plante aussi. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté. On a envie d'entendre parler de toi. De moi? De tes goûts à toi. OK. Tania, apprenons-en plus à ton sujet. À mon sujet? Oui. Ooh. Divertis-nous, Tania, dans ça Tania. Ça va me faire plaisir. It's gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. C'est Tania. Bon matin. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien, toi? C'est cool, très cool, oui, très bien aussi. Oui. J'ai hâte que tu me divertisses avec de la musique aujourd'hui en plus. Oui, ben comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission, je vais vous parler. Ça faisait longtemps en fait que je n'avais pas parlé de mes coups de cœur musicaux. Mm-hmm. Coup de cœur découverte, en fait, je dois l'avouer, parce qu'il y en a certains que je préfère que d'autres. Par contre, je vous présente, un peu comme à chaque semaine, trois artistes que j'ai découverts sur différentes plateformes web ou applications musicales, donc entre autres YouTube, 8Tracks et Spotify. Mmh. Donc, une de chaque? Une de chaque. Wow. C'est pas mal tout le temps de même hein, que je le fais, puis je me suis dit pourquoi changer une formule gagnante quand ça fonctionne. Voilà. Alors... Sur Spotify, cette semaine, bien, je l'ai plutôt découvert cette fin de semaine, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas la mettre dedans, parce que de toute façon, j'ai pas encore fait la chronique. Alors. Une semaine, ça compte les 7 derniers jours, fait que c'est correct. C'est ça, je suis correcte, je l'ai découvert dimanche. C'est Saint-Raymond. On en a fait jouer un petit peu plus tôt cette semaine, si je me souviens bien. C'est hier, je crois, non? Hier ou avant-hier, ouais. Lorsque je vous avais présenté le livre qui parle de Bouddha, en fait, du bouddhisme, je vous avais présenté la pièce Letting Go. Eh bien là, ça va être une pièce différente que je vais vous faire écouter pour son style un peu qui est différent, mais vous allez voir, ça se ressemble. Ça reste le même artiste, bien évidemment. Alors, le nom de l'artiste, c'est Saint-Raymond, mais c'est pas son vrai nom. OK, au cas où vous son sachiez. Son prénom, c'est pas Saint. C'est ça. C'est Callum Burrows. C'est un gars qui vient de la Grande-Bretagne, mais qui parle quand même à quelques reprises français. Ah. Il a joué à plusieurs reprises à Paris et dernièrement aux récentes... je veux pas vraiment dire activités. OK. Aux récents événements à Paris, eh bien... Ah oui! les activités terroristes, qu'on appelle ça, comme du parascolaire. C'est pour ça que je voulais pas dire activité. Alors, en fait, il a fait plusieurs posts sur son site Internet, sur sa page Facebook, comme quoi il avait déjà joué au Bataclan et que ça a été une salle extraordinaire. D'ailleurs, il était en spectacle après ces événements-là, dont le 15 novembre. Et là, on a pu voir une espèce de petit hommage aux victimes de Paris. D'ailleurs, tout le long du spectacle, la luminosité de son spectacle était le drapeau de Paris. Ah oui. Donc, bien évidemment, on voit que c'est un gars qui a la main sur le cœur. Oui. Et quel est son genre de musique, en fait, à ce gars-là? On le sait un petit peu. Je pense que j'aime bien le style indie. J'écoutais pas beaucoup ça. Ça veut tellement rien dire en même temps. Ben, je sais. Ça veut-tu rien dire, ça? Le style indie, ça veut dire qu'ils sont pas signés sur une étiquette. Mais même là, il y a beaucoup d'artistes indie qui sont sur les étiquettes. Ben oui. Fait que bref. Mais bon, le son indie... C'est ce qui est pas commercial pop. C'est ça. En général. Mais en général, c'est comme du blues. Tu sais, tu peux avoir du indie pop, tu peux avoir du indie rock. Indie folk, ouais. Indie soul. Je vous dirais que comment je l'identifie un petit peu plus, c'est vraiment moi, à ma perception, c'est un petit peu plus du indie soul, justement. Okay. Ça va être plus acoustique et vous allez pouvoir voir aussi que ça va être plus raw avec sa voix, ça va être plus près de ses émotions que R&B exemple. Je dirais pas trop du R&B, mais vous allez voir, peut-être que tu pourras me donner tes impressions après la pièce que je vais faire jouer. Moi, j'ai beaucoup aimé, après avoir fait cette découverte-là et surtout de vous avoir fait découvrir la pièce Letting Go un petit peu plus tôt cette semaine, je me suis comme mis à écouter toutes ces tunes sur repeat de façon abusive et j'aime beaucoup. Il est quand même rendu à plusieurs albums. Si je me souviens bien, il est rendu à 5 albums, dont un album qui est simplement des reprises de pièces déjà connues, mais dans son genre à lui. Mm-hmm. Ça a été le premier album qui est sorti. Évidemment, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va commencer à connaître des artistes. Je dirais que c'est la façon moderne de se faire découvrir. Pas mal, hein? Mettons. Donc, c'est le premier album qui est sorti. Ça s'appelle Everything She Wants. Après ça, il y a eu un autre CD qui est sorti en remix. Donc, toutes ses pièces étaient remixées. Le troisième album, c'est I Want You. Il y a plusieurs pièces sur cet album-là qui est très bon. Et le dernier que j'écoute en boucle depuis quelques jours, c'est Young Blood Deluxe. La pièce que je vais vous présenter fait partie de cet album-là. Vous allez voir. Donnez-moi un peu vos impressions si ça vous tente sur Facebook, la page d'Assemblage Requis. Moi, c'est un artiste que j'aime bien, justement pour ce côté-là très humain qu'on retrouve dans le indie. Et ça me fait un petit peu, évidemment, artiste de la Grande-Bretagne qui chante un peu du indie soul. Ça me fait penser, évidemment, à du Ed Sheeran un petit peu, mélangé avec du James Bay. Tu sais, on peut pas réinventer les gens qui sont populaires et qui nous font penser à de nouveaux artistes, bien évidemment, parce que veut pas, de nouveaux artistes vont essayer de prendre quelques ressemblances de ces artistes-là. Donc, évidemment, c'est sûr que vous allez peut-être pouvoir retrouver certaines de ces caractéristiques d'artiste-là en lui, mais je vous laisse juger par vous-même. Donc, je pense qu'on va écouter la pièce tout de suite, puis après ça, je vais vous présenter les autres artistes, parce qu'au total, j'en ai 3, puis je veux pas trop toutes les passer en même temps. Donc, je vais vous faire écouter « Don't Fail Me Now » de Saint-Raymond. Ah, ça me laisse. Oh, don't fail me now. Don't fail me now. Much right now is gonna slow me down. Waiting around too long is gonna wear me out. Giving to wandering eyes, I'll hit the ground. We're all fighting in the battle of the lost and found. It feels like I'm getting closer. Faith is all we need. rising up from hidden depths. It feels like I'm getting close. Hope beating in my chest. C'était Saint-Raymond avec Don't Fail Me Now. Évidemment, on l'entend à quelques reprises dans la chanson, donc on s'en rend compte. Mais comme je le disais, c'est indie. Par contre, c'est hip-hop, pas mal. Ouais, c'est comme mélangé. Peu importe ce que tu vas faire d'indie, ça va être un autre style aussi en même temps. Ouais, parce qu'indie, en tant que tel, c'est pas un style. C'est ça, c'est comme on disait. Ouais. Ça peut pas être juste un style. C'est juste un statut, je dirais. Ouais, exactement. C'était un artiste indie, c'est mais ça. De quelque chose d'autre aussi. Exact. Donc, c'était Saint-Raymond. Je vous invite à aller faire un tour sur sa page Facebook. Il poste quand même assez fréquemment et il poste aussi tous ses vidéoclips. Donc, si jamais vous voulez découvrir autre pièce de lui, eh bien, c'est un must à avoir dans sa liste de likes Facebook. Ah, tu parles bilingual pas mal. C'est fou, hein, Martin? Ouais. Je suis bilingual parce que je viens de me rendre compte que ce sont tous des artistes anglais que je présente ce matin. Par hasard. T'es allé sur trois sources différentes, t'as choisi un artiste de chaque source et c'est les trois des anglais. Les trois des anglais. On parlait d'accent lors de la chanson. Quand on chante en anglais, ça paraît beaucoup moins l'accent. Alors que les maudits français, excuse-moi, là, il faut les traiter avec respect depuis qu'ils ont... les gens si généreux français avec un accent tellement séduisant. Eux, ça paraît quand ils chantent. Oui. C'est ça. Mais on dit aussi qu'il y en a qui prennent un accent, comme exemple Cœur de pirate. Oui, fake. Qui, elle, si elle est en entrevue, elle va parler comme nous. Mais quand elle chante, elle est-ce chante qu'elle parle vraiment comme nous? Elle se donne pas un petit accent quand elle est en entrevue? Ben, tu sais, Xavier Dolan aussi, il sort d'un heure. Ouais, j'avoue. Mais j'ai pas vu en entrevue. Mais est-ce qu'il se donne vraiment un accent ou bien il parle de façon... Prétentieuse? Ben, pas prétentieuse. Je dirais plus qu'ils font attention à ce qu'ils disent puis comment ils le disent. Mais c'est clairement pas un français international. Non, c'est sûr. Il me semble. Tu sais, Xavier Dolan, s'il décide de sacrer, il va sacrer. Hein? Ouais, OK. Même chose pour Cœur de pirate, j'imagine que ça va sortir québécois. Ouais. Quoique, je suis sûre que si Xavier Dolan sacre, ça va bien sortir. Parce que tu as de la classe sortant de Xavier Dolan. Ben, la plupart du temps. C'est ça que c'est genre « Hé, Anne Dorval! » Hé, Anne Dorval! Voilà. C'était notre moment, Xavier Dolan, ce matin. Je sais pas, ça t'a pas eu le même, je pense. Ben oui. Hein. Le deuxième artiste que je vous présente, eh bien, c'est une femme de Londres, du sud de Londres. Elle aussi, elle est un petit peu catégorisée comme étant indie. Je dois vous avouer, par exemple, qu'elle-même dit avoir de la difficulté à mettre un style sur sa musique. Ouais, ben on n'est pas tous dans un seul tiroir. On peut faire plusieurs styles en même temps. C'est surtout qu'elle a grandi avec tellement de styles musicaux autour d'elle. Ses parents écoutaient un petit peu de tout. Alors, c'est du indie marié avec de l'acoustic pop, marié avec du afro-carabien, quasiment des rythmes brésiliens aussi. Donc, on peut entendre peut-être un petit peu plus de ce R&B-là qu'on parlait tout à l'heure. Un petit peu plus de peut-être aussi... comment je voulais appeler ça, jamaïcain, justement, reggae. Ce sont des styles qu'elle est très, très portée vers, justement, à cause qu'elle a, elle a grandi dans ce style de musique-là. Elle dit qu'elle-même, elle a eu de la difficulté à mettre un titre sur ce qu'elle fait. Donc, que nous, on ait de la difficulté un petit peu à juger son style musical, c'est tout à fait normal. Si jamais vous êtes intéressé, je dois vous avouer que sur son site internet, il n'y a pas grand-chose. J'ai essayé de rentrer dans le site internet et la seule chose qu'on voit sur le site internet, c'est son nouveau vidéoclip. Ah, bon. Tu peux comme pas aller après ça. Dans sa vie, c'est la seule trace qui reste. Le reste, elle a éliminé ça. C'est ça. Il y a plus d'informations sur son SoundCloud. Tu sais ce que c'est, SoundCloud? Oui. Et sur sa page Facebook, mais évidemment. Pour vrai, là, et j'ai déjà fait ce commentaire-là plusieurs fois, c'est comme à l'époque de MySpace où tout était sur MySpace. T'avais jamais de site Internet, ton site était dirigé vers MySpace. Exactement. Les sites Internet, c'est juste les liens vers les autres réseaux sociaux. Ça m'énerve. Moi aussi. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était une erreur parce que les médias sociaux, ça change tout le temps. L'exemple parfait est justement que MySpace, il n'y a plus personne là-dessus. Ceux qui avaient juste un MySpace, soudainement, leurs informations sont perdus ou récupérés par un site qui n'a plus vraiment rapport. Ça. Fait que là, vous faites la même chose avec SoundCloud qui, dans 5 ans, n'existera plus peut-être, on sait pas. Tu sais, Facebook, certains diraient qu'il y a plus de chances que ça reste. Ouais. Mais en même temps, on disait la même chose de Friendster. Fait que tu sais, faut relativiser. Mais non, un site web, c'est quelque chose de plus permanent si tu payes ta facture. Surtout si c'est professionnel. C'est ça. T'sais, si je cherche à avoir des informations sur toi et que tu es un artiste émergent, s'il te plaît, donne-moi quelque chose, nourrir ma chronique. C'est cheap un peu, juste un Facebook ou un SoundCloud. Ouais, c'est ça. Mais comme tu le dis, tu le payes, donc évidemment, les réseaux sociaux, c'est plus facile à un certain point. C'est gratuit, c'est ça. Kimberly Ann, elle a appris par elle-même à jouer de la guitare. Elle a aussi appris par elle-même à jouer des percussions quand elle est allée visiter l'Afrique du Sud. Alors, vous allez pouvoir retrouver justement ces instruments-là dans sa chanson, dans ses chansons, parce qu'il y en a plus qu'une, évidemment. Celle que je vais vous faire écouter ce matin, ça va être, si je me souviens bien, Buried There, qui est justement son nouvel extrait vidéo qui est sorti il y a très, très pas longtemps. Si je me souviens bien, ça fait même pas un mois qu'il est sorti. Alors, c'est Buried There de Kimberly Ann. Just another girl in the room. Never gonna be the your heart consumed. You cling on to. Never. dress you. Should've checked my head from those messages. For someone like me, just get confused and give up on you. I give up on you. Kimberly Ann, on s'en rend compte un petit peu que les percussions sont un petit peu plus là que dans, mettons, Saint-Raymond. Ouais. Un indie plus peut-être alternatif qu'elle, elle se décrit. Donc, je le disais un petit peu avant de vous présenter la pièce, elle a de la difficulté elle-même à mettre un titre sur son genre musical. Est-ce que c'est elle que j'ai comparé un petit peu à une Justin Bieber avant? C'est elle tout à l'heure, oui. Parce qu'elle a une voix un petit peu masculine. C'est pas un reproche, là, mais ça reste ça quand même. Elle a une voix plus grave, oui, en effet. Ou sinon, on pourrait dire, ben, en tout cas, je pense qu'on pourrait plus dire que c'est Justin qui a une voix un petit peu plus féminine. Donc, à quelque part, ça se rejoint. Ouais. Et encore là, pas un reproche. Ben, pour Justin, peut-être. Ouais, peut-être. Un petit peu. En tout cas. Ça dépend. Si jamais vous voyagez du côté de l'Europe, plus précisément de la Grande-Bretagne, de Londres et tout ça, eh bien, sachez que la prochaine artiste est en tournée. Alors, si jamais vous voulez voir un de ses spectacles, bien, vérifiez les dates sur sa page Facebook. C'est Anna Pancaldi. Là, j'espère que je l'ai dit comme il faut. On dirait une pâtisserie, genre. C'est vrai, hein? Je vais faire une Pancaldi. Je vais faire un Pancaldi. Elle se qualifie beaucoup plus acoustique, soul, encore une fois dans le indie, que les autres artistes. Par contre, on entend beaucoup plus la voix, donc on va entendre beaucoup plus d'émotions à l'état pur. Et comment je pourrais dire, elle se dit elle-même influencée par les genres de Johnny Mitchell, Jeff Buckley et Carole King. Elle aime ce qui est mature et très profond dans le côté vocale d'un interprète, donc c'est ce qu'on va entendre surtout dans son genre musical. Et je dois avouer que je la connaissais pas, je l'ai découverte grâce à 8 Tracks ce oui. matin. Pour ceux qui, je l'avais pas dit, hein, mais Kimberly Ann, je l'ai découvert grâce à YouTube oui. en étant sur la page YouTube de Saint-Raymond. Donc, ce sont peut-être des artistes qui sont liés simplement parce qu'ils viennent tous de la Grande-Bretagne, mais bon. Donc, Anna Pancaldi, j'ai de la difficulté à dire son nom, hein. C'est assez... Mais c'est quoi la pâtisserie? C'est un pan... Un pan à cotta. Pan à cotta! Bravo, merci. Tu me sauves. Ça fait plaisir. Pan à cotta. Et ouais. Bon, en tout cas. récemment, elle a fait partie d'une publicité pour les jeans Levi's. Levi's. Donc, on peut la voir d'ailleurs avec une de ses chansons dans cette publicité-là, mais j'imagine que la publicité ne joue pas encore ici, vu que c'est simplement de l'autre côté de l'océan. Chouip, chouip. Mais j'ai bien hâte de vous faire découvrir sa chanson parce que je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son style. Comme je le disais, c'est peut-être, je veux pas dire plus humain parce que ça fait comme si les autres n'étaient pas humains. Des robots, les autres, ben oui. C'est ça, puis que tu sais, ils voulaient pas dégager des émotions, mais on le sent beaucoup plus impliqué du côté vocal de la pièce mm-hmm. musicale. Et si jamais vous voulez savoir, eh bien, elle a un... Excusez, j'ai comme un poil dans le nez. C'est mieux que d'avoir un nez dans les poils. C'est vrai. Hein? C'est elle a un album qui est sorti récemment. Donc, si jamais vous voulez voir, vous pouvez aller sur son site Internet qui est très facile. C'est www.annapancaldi.com. Par contre, si vous allez sur sa page YouTube, il y a seulement deux vidéos. Bon, hey, les gens sont radins. Hein? C'est à vous, là, c'est assez difficile de faire un choix musical quand tu me donnes deux tunes. Ben, le choix sera les deux tunes, non, juste une des deux. Non, juste une des deux. Et je vais vous faire, en fait, écouter Out Ahead de Anna Pancaldi. Panna cotta. Panna cotta. Panna cotta. Il n'y a pas ça à cafétéria. Ah non, je pense pas. Ah. There's a certain light that shines, and it gathers all around. Is that where you stay? I wish you wouldn't stay. I have lived but for a cause. Got the scars to mark the course. You belong with us, so come home with us. Keep my eyes up now. I'll keep my eyes up now, now, now. Keep my eyes up now. Keep my eyes up now. Like the sea, like the shore, my love reaches out ahead. They take. Wish I'd known what I do now. How I turn the seasons round. And when you stay with us, oh, best you stay with us. Keep my eyes up now. Oh, keep my eyes up now, now, now. Keep my eyes up now. Oh, keep my eyes. Anna Pancaldi avec sa pièce qui s'intitule Out Ahead. Ben oui. On sentait le côté plus, je veux pas dire plus raw, émotionnel. Mais, ouais, émotionnel, plus, plus acoustique oui. aussi. Sans être plaignarde. Exactement, ouais. c'est ce que j'aime. Pas ouais. trop de dépression dans tes tunes. Même si tu veux jouer acoustique, j'ai pas de problème. Mais c'est ça, on est pas obligé de s'ouvrir les veines pour être bon. Pour autant. Voilà. C'est tout pour Tania et Sgana Titania. Il nous reste une chronique jeudi matin, demain. Oui. Pour terminer la semaine. Oui, puis je vais probablement faire un en piste avec Tania Baudin. Oh! Ouh. Ouh. Ah! Ouh. Jamais le même jour, on aime ça. Ça change le mal de place. Ouais, exactement. Comme j'ai dit comme 4 fois cette semaine. Ben, c'est correct. Hein. Tout le temps. C'est rendu plate. Les expressions surutilisées, on n'aime pas ça. C'est comme moi qui dis déjà. C'est pareil comme toi qui dis déjà. Pareil. Merci, Tania. Hey, merci à toi. On continue. Il nous reste pas assez de temps pour commencer une nouvelle chronique, donc on va aller entendre une pièce, revenir pour la conclusion et on se quitte après. Parce que l'émission du coup des franges s'en vient. On écoute Maud Audet, ou comme je l'ai appelé hier. Maudet. Parce que je comprends pas comment tu t'appelles Maud Audet. Oui, parce que hier on animait les palmarès C'est fou de 3 à 6 heures. Ou pour ceux qui écoutent en rediffusion mardi, on animait de 3 à 6 heures. Je pense pas que ce bout-ci va être rediffusé, ça vaudrait pas vraiment la peine. Ouais, c'est ça. Je te dis. Puis on a découvert que juste des bouts d'émission par rapport, genre pas d'inchronique, tu sais ça, on remet ça pour le jour de l'an, spécial jour de l'an. Premier. On va remettre juste ce bout-là. Juste ça. OK. Mais on a comme découvert en fait que Maud Audet, il y a comme deux parties de ces deux noms que tu peux juste comme... Mais c'est un smouche qu'on appelle. C'est un smouche, exactement. C'est de même qu'on appelait ça hier, un smouche. Moi, j'aime ça les smouches. Fait qu'on l'a rebaptisé Maudet. Je. Ouais, tu. Avec dans les nues tout de suite. Puis moi, j'ai approuvé. Oui. C'était là pour ça. T'es là pour approuver ce que je fais. Et voilà. C'est ta seule job. Fait que sois toujours d'accord avec moi. Tout le temps. Merci. Tu vois, même quand je chiale contre elle et que je dis qu'elle a juste une affaire à faire, elle est d'accord avec moi pareil. C'est complètement faux. Je m'abstiens de tout commentaire en onde. Merci, Tania. On va jouer ce boulot au jour de l'année. Tu ne toucheras plus jamais la douceur de l'amour. Ni l'amertume. Jamais ton portrait, ni la vitrine de tes yeux, ce que tu aimais. Tu voulais peindre les murs de millions de couleurs, et ton corps s'est marié à la noirceur. Tu voulais peindre la vie de toute ta fraîcheur, et on t'a volé le souffle de ton cœur, et on t'a perdu, et on t'a perdu, et on t'a perdu dans les nuits. Dans les nues à Assemblage Requis, nouvelle entrée du palmarès francophone, et c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. Ben oui. Ben oui. C'est comme ça. Merci à Sébastien et Yves Gertin. Oui. Pour son bulletin Gartin. Merci à toi, Tania Baudin. Je m'en ai remercié, Frédéric, mais il n'est pas venu cette semaine. Vis dans le présent, vis dans le présent. Oui. Ah, courte mémoire, hein, toi? Courte mémoire. Courte mémoire. Demain, entre 6h30 et 9h30, on sera jeudi, donc on aura Alexandrine Pichessier à 7h30 pour sa chronique Les précieuses découvertes. Ensuite, à 8h30, on va se faire une grosse pointe d'adresse avec un produit du tiroir. Donc, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 15h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Une émission très, très geek avec Samuel Girard aujourd'hui comme chroniqueur. À 17h, l'émission de musique électronique automatique. Et finalement, à 20h, c'est Radio Sonic avec de la musique variée et un paquet de chroniques. C'est la programmation d'aujourd'hui sur CIF.ca et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Passez une belle journée remplie de panna cotta. Et de caféine. Caféine et panna cotta, là, tu fais ma journée. Mm-hmm. On se quitte avec Magical Clouds et la pièce Downtown. Bye, Tania. Bye, Mathieu. Bye. Bye. I'm going.